Cela doit d'abord passer par une définition avant de pouvoir être nommé. Cela qui s'appelle l'enfance. Comment est-ce que l'art peut définir l'enfance? Lui qui n'a jamais rien compris au principe de quoi que ce soit. Lui qui se tend sans cesse vers autre chose que le nommable. Que peut-il bien dire de l'enfance? Il n'est même pas certain qu'un jour elle s'est arrêtée, qu'un jour elle fut. Car l'art ne peut faire que jouer avec les concepts. Et l'enfance en est un. Voilà. L'enfance est un concept avec lequel l'art est ouvert à jouer. Il est, tel un enfant, ouvert au jeu, c'est cela. Mais que faut-il que le jeu soit pour que l'enfant comme l'art soit ouvert au jeu? Ou, autrement dit, qu'est-ce que le jeu? Il est, avant tout, en amont de tout, ce qui se présente d'office, comme ici, ce qui se présente à vous. Et vous verrez que tout ce qui se présente ici est tourné vers vous, si vous vous tournez vers nous, enfants.